بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله تعالى on va pas prendre je vais pas prendre trop de temps inshallah parce que je sais que on commence à fatiguer surtout pour ceux qui comme moi sont arrivés aujourd'hui à le voyage on voudrait bien se reposer mais c'est important de méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en réalité, je vous assure, je n'ai pas fait exprès. J'étais en train de lire. Je lisais le Coran. Et il y a certains passages qui m'ont marqué. Je me suis dit, j'aimerais bien que mes frères en profitent eux aussi. Et c'était donc des passages de Surat Al-Furqan. Donc je n'ai pas fait exprès par rapport au Merkez. Mais, Inch'Allah Ta'ala, pendant le séminaire, on va faire le tafsir de Surat Al-Furqan. On va essayer de le faire entièrement, bi'idnillahi ta'ala, en quatre assises. Allah tabaraka wa ta'ala dit, après la basmala, il dit, tabaraka alladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. La bénédiction complète et parfaite est à celui qui a fait descendre Al-Furqan, le discernement, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour Al-Alamin, pour les mondes de l'univers. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il montre ici dans ce verset que c'est lui qui a fait descendre Al-Furqan. Al-Furqan, le discernement, c'est le Coran. Cela fait partie des noms du Coran, le livre d'Allah. Pourquoi il s'appelle Al-Furqan, le discernement? Car il permet de distinguer le vrai du faux, de distinguer la guidée de l'égarement, de distinguer, de faire la distinction entre les gens du bonheur et les malheureux. Et donc, comment est-ce qu'on veut, barakallahu fikoum, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre le manhaj divin et les voies des shayatines si on ne lit pas ce livre? Et c'est là qu'on va trouver dans une erreur qu'on va voir. Ce sont ceux qui nous disent « Je suis salafi » et ils ne lisent pas le Coran. Je ne dis pas que tu n'es pas salafi. Mais le fait que tu ne lises pas le Coran, tu te mets dans un danger. Tu te mets dans un danger. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ce livre à son serviteur, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme son serviteur, la servitude, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété, a atteint la servitude parfaite. La servitude parfaite, c'est-à-dire qu'il est le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous pouvons avoir deux formes de serviteurs. Il y a celui qui est un serviteur d'Allah, c'est-à-dire que celui-ci, Allah l'a créé et Allah fait de lui ce qu'il veut. C'est Allah qui décide quand tu nais, quand tu mords, quand tu nais, quand tu meurs, quand tu es malade, etc. De ta subsistance, c'est lui qui décide. Allah fait ce qu'il veut de lui, car il est son serviteur. Et il y a le serviteur, dont celui, c'est celui dont Allah fait ce qu'il veut de lui aussi. Mais il est aussi le serviteur d'Allah, car celui-ci s'est soumis à Allah. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ses deux sens. Et ça, ça nous montre, barakallahu fikum, qu'on ne peut pas non plus exagérer concernant le prophète. C'est le serviteur d'Allah. Il a dit, « La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam » N'exagérez pas me concernant de la même façon que les chrétiens ont exagéré concernant Isa ibn Maryam. Mais dites Abdullahi wa Rasuluhu, le serviteur d'Allah ainsi que son messager. Le serviteur d'Allah ainsi que son messager. Liyakuna lil alamin nadhira. Et donc il l'a envoyé afin qu'il soit un avertisseur pour al alamin, pour l'univers, les hommes, les djinns, les arabes et les non-arabes. Et ça, c'est une réplique à ceux qui nous disent « Vous suivez la religion des arabes, Mohammed a été envoyé aux arabes. » Non, c'est faux. Il a été envoyé à tout le monde. Il dit tabaraka wa ta'ala alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kull shay'in fa qaddarahu taqdira. Celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, et il ne s'est accordé aucun enfant, et il n'a aucun associé dans la royauté, et il a créé toutes choses et l'a déterminé. Il a créé toutes choses et l'a déterminé. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa khalaqa kull shay, il a créé toutes choses. Et donc tout ce qui est en dehors de lui a été créé. Tout ce qui est en dehors de lui a été créé. Et il nous dit ça après nous avoir informé qu'il ne s'est pas attribué d'enfant et qu'il n'a pas d'associé. Il ne peut pas avoir d'enfant ni d'associé parce que c'est lui qui a tout créé et tout ce qui est en dehors de lui a été créé. S'il a un associé dans la création, cet associé sera créateur. Et s'il a un enfant, cet enfant sera divinisé. Et donc ici, il nous montre que c'est lui qui a créé toutes choses. Et donc tout ce qui est en dehors de lui fait partie des créatures. Ne peut donc pas être un enfant d'Allah, ni un associé d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et il a déterminé toutes choses. C'est-à-dire qu'il a déterminé ce qui convient pour ses serviteurs. Allah, il nous a créés. Il sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous. Il nous a interdit ce qui est un mal pour nous, il nous a rendu obligatoire ce qui est un bien pour nous. Parfois, on a du mal à comprendre ce principe. Pourquoi telle chose est interdite, etc., etc. C'est parce que c'est un mal pour toi. Pourquoi il m'est obligatoire de faire ci et ça? C'est parce que c'est un bien pour toi, parce que tu en as besoin. Et donc, il est important, barakallahu fikum, qu'on comprenne cela. Allah, il veut notre bien. Et il nous connaît. Et ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Et ils ont pris en dehors de lui des divinités qui ne créent rien mais qui, elles, sont créées. Et ils ne détiennent, ou du moins elles, ces divinités ne détiennent pour elles-mêmes, elles ne détiennent aucun mal ni aucun bien, c'est-à-dire rien qui ne leur soit profitable. Et ces divinités ne contrôlent pas la mort, ni la vie, ni la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala ici, il nous montre que toutes les divinités que les hommes vont prendre en dehors de lui sont des divinités qui sont faibles. Des divinités qui sont faibles. Comment pouvez-vous adorer des divinités qui n'ont rien créé, mais qui elles-mêmes sont créées? Des divinités qui ne peuvent leur être profitables à elles-mêmes. Comment elles peuvent vous être profitables à vous? Des divinités qui ne peuvent se protéger, comment ils peuvent vous protéger? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Ô gens, une parabole est exposée. Alors écoutez-la. Ça, c'est dans une autre sourate. Alors écoutez-la. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent créer une mouche, même s'ils se réunissent tous pour cela. Une mouche, cette mouche qu'on voit tous les jours et qui nous embête, hein, qui était là comme ça. Oh, une mouche, toutes les fausses divinités qu'il y a sur la terre, si elles se réunissent, ne peuvent même pas créer une mouche. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ. Et si la mouche leur prend quelque chose, ils ne peuvent l'enlever, la récupérer. Ils ne peuvent pas. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Comme sont faibles celui qui recherche et celui qui est recherché. Celui qui recherche, c'est cette divinité qui court, qui recherche cette mouche. Et cette mouche en elle-même qui est recherchée, elle est faible. On le voit, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre des signes tous les jours, tout le temps. On voit ces mouches. Méditons sur ça. Toutes ces forces divinités ne peuvent pas créer une mouche. Pourquoi les adorer ? Ensuite, il dit tabaraka wa ta'ala wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara wa a'anahu alayhi qawmun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Et certes, ceux qui ont mécru, ils ont dit que ceci est un mensonge qu'il a inventé et que d'autres personnes l'ont aidé à faire cela. Ils sont certes venus avec dhulman wa zura, une injustice et un mensonge. Certains savants, ils nous disent ici que ce qui est voulu par dhulm, ce qu'on a traduit par l'injustice, c'est le shirk. Parce que le shirk est une injustice profonde. Et donc ils sont venus avec une injustice et un mensonge. À cause du fait que ils sont venus avec du polythéisme et un mensonge, à cause du fait qu'ils ont décrit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala comme étant mensongère. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Et ils dirent que ce sont les vieux contes anciens. Il les a copiés. Donc il a copié les vieux contes anciens. Et ceux-ci donc lui sont récités matin et soir. Ceux-ci lui sont récités matin et soir. Et donc méditez barakallahu fikoum sur ces accusations. Ils l'ont traité de menteur. Et donc il a inventé cela. Ce sont des contes anciens qu'il copie. Et on lui récite ces contes-là matin et soir. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, elle continue en disant قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et donc, il réplique à cela. Il réplique à ces accusations mensongères. Dit, celui qui a fait descendre cette parole, c'est celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Puisque vous voyez bien qu'il ne recopie pas les textes des anciens. Vous voyez bien qu'il corrige les erreurs et les mensonges qui ont été cités. Ceux qui nous disent que Isa ibn Maryam a été crucifié, il corrige cela. Et donc qui peut le faire si ce n'est le Seigneur des mondes, celui qui connaît toutes choses? Et ensuite il dit « Innahu kana ghafuran rahima ». Certes, il est pardonneur et miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala, ô chers frères, malgré l'injustice de ces gens-là, ils ont traité son prophète de menteur, ils l'ont traité de fou, de sorcier et d'autres. Malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il les appelle à se repentir. Certes, il est pardonneur et miséricordieux. Et ensuite ils disent wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ils dirent, donc encore une fois les incroyants, ils dirent qu'a ce prophète, qu'a-t-il à manger de la nourriture et à se déplacer dans les marchés? Cet homme qui prétend être un prophète, qu'a-t-il à manger de la nourriture? Pourquoi il mange de la nourriture et il marche et il se balade et il se déplace dans les marchés? Si seulement on faisait descendre sur lui un ange qui soit avec lui un avertisseur, ou alors on jetait sur lui un trésor qui lui permettra donc et donc qui sera pour lui un paradis ou alors un jardin dont il mangera, dont il se nourrira. Et donc ces gens-là, ils sont venus avec une règle, un fondement. Quel est ce fondement? C'est que si tu manges et si tu te déplaces dans les marchés et si tu n'as pas avec toi un ange, tu ne peux pas être un prophète. Tu ne peux pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a, ce prophète, celui qui prétend être prophète? Il mange de la nourriture et il se balade et il se déplace dans les marchés. Et donc pour eux, lorsque tu fais ça, tu ne peux pas être un prophète. À partir du moment où tu as besoin de commercer, d'acheter pour tes besoins, non, tu ne peux pas être un prophète. Voilà pourquoi ils disent, si seulement on faisait descendre, on jetait sur lui un trésor, c'est-à-dire des moyens de subsistance, sans fatigue, sans avoir besoin d'aller au marché, qui serait pour lui un jardin dont il se nourrirait. Et donc il va se nourrir de son jardin sans avoir besoin d'aller au marché. Et donc ces gens-là, ils sont venus avec une règle qu'ils ont inventée pour rejeter la vérité. Et comme je l'ai dit à nos frères de Mulhouse ce matin, on a le même principe à notre époque. Les gens, ils viennent avec des règles qu'ils inventent comme ça pour rejeter la vérité. Ils vont te dire, depuis quand un étudiant en sciences a le droit de faire une réplique? Règle inventée. Elle est où la preuve qui fait qu'un étudiant ne peut pas faire une réplique? Ils vont te dire, oui, mais les savants ne sont pas unanimes. Ok. Et alors, depuis quand c'est une condition que les savants soient unanimes? Et donc, ils vont venir avec des règles comme ça, à droite à gauche, pour rejeter la vérité. Comme l'ont fait les polythéistes, ceux qui ont rejeté la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Et certes, les injustes, ils ont dit que certes, vous suivez un homme qui est mashour, un homme qui est ensorcelé. Et donc, regardez, chers frères, ces accusations. Toutes ces accusations mensongères, basées sur rien, aucune preuve. Allah tabaraka wa ta'ala réplique à cela en disant انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Regarde comme ils ont cité, c'est à كيف ضربوا لك الامثال, ici regarde les accusations qu'ils ont fait sur toi, les mensonges et les ambiguïtés avec lesquelles ils sont venus. Ici, les savants, ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous appelle juste à regarder, à méditer sur ce que ces gens-là ont dit. Juste ça, ça suffit pour comprendre que c'est faux. Juste ça, ça suffit. Avant, cet homme, il faisait partie des plus nobles parmi vous. Et aujourd'hui, vous dites meshour. Aujourd'hui, vous dites qu'il copie les textes des anciens. Alors que vous voyez bien la différence entre ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans les textes des juifs et des chrétiens. Le Coran vient corriger les modifications des hommes. Comment pouvez-vous dire qu'il copie? Comment pouvez-vous dire qu'il a pris cela d'autres, alors que les autres, qu'ils ont une langue, et que lui, il a une autre langue? Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à méditer sur ces gros mensonges. Et celui qui médite sur cela, alors cela lui suffit pour comprendre que ce ne sont que des accusations caduques. Ils se sont donc égarés et ne peuvent pas suivre une voie, c'est-à-dire la voie de rectitude. Tabarakalladhi insha'a ja'ala laka khayran min dhalik jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. La bénédiction parfaite est à celui que, s'il veut, il t'accorde mieux que cela, mieux que tout ce qu'ils ont dit. Mais Allah, par sa sagesse, il fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Et tout ce qu'il fait est lié à sa sagesse, tabaraka wa ta'ala. Et donc, s'il veut, il t'accorde mieux que cela des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et il t'accordera des palais. Bal kadhabu bis-sa'a wa a'tadna liman kadhaba bis-sa'ati sa'ira. Mais ils ont traité l'heure, c'est-à-dire la résurrection, ou la fin des temps, c'est la fin des temps qui est liée à la résurrection. Et donc, ils ont traité la résurrection d'un mensonge. Et certes, nous avons préparé donc le feu, sa'iran, nous avons préparé donc un feu pour tous ceux qui traitent l'heure de mensonge. Et donc en fait, Allah tabaraka wa ta'ala, ici il nous dit « belle ». Ce qui est voulu ici, c'est qu'en fait, en réalité, donc ces personnes-là, toutes ces accusations qu'ils font, tous ces mensonges qu'ils ont, tous ces mensonges qu'ils vont prononcer à ton égard, tout cela, c'est pour une seule chose. C'est parce qu'ils ont traité l'heure de mensonge. Tout cela, ils n'ont pas cru à la résurrection. Et donc, vu qu'ils ne croient pas à la résurrection, cela les entraîne à mentir sur toi. Et donc, il est important, barakallahu fikou, mon cher frère, qu'on comprenne le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que bi'idnillah, on prendra 2 pages chaque jour. Mais bi'idnillah, demain, on verra la suite de ce passage, la suite qui est très importante. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته